Salut, c'est Mike Lécuyer pour l'émission Blues Covers. Nous sommes toujours dans l'exploration du pop-rock dans le blues avec Miguel M en 2012 à la sauce funk qui va vous faire un petit John Lennon et un petit Rolling Stones. On commence avec Imagine de John Lennon, Miguel M en 2012. Hey guys, listen to me. Imagine there's no heaven, this is if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine all the people living life in peace. Imagine there's no countries, it isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. Imagine all the people living for today. You may say I'm a dreamer, yeah, but I'm not the only one. I wonder if you can. No need for greed or hunger, brotherhood of a man. Imagine all the people sharing all the world. Imagine all the people living at peace in this world. You may say I'm a dreamer, yeah, but I'm not the only one. Toujours extrait de son album So Fine, Miguel M est toujours en 2012 avec Painted Black des Stones. Miguel M. To come back, I see people turn their heads and quick look away, like a newborn baby just happens every day. Oh Lord, I look inside myself and see my heart is black. I see my red door and I must have it painted black. Maybe that affair we don't have to face the facts. There's nothing is it facing up when the world is black. I wanna see your face. Deeper blue. Ooh, I could not force it, this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will be before the morning comes. Oh Lord, I see a red door and I want it painted black. Ooh, no colors anymore, I want them to turn black. See the girls walk by dressed in their summer clothes. I have to turn my head into my daughter's clothes. I wanna see your face. Nina Van Horn, dans son dernier album 2016, rend hommage à Nina Simone. Le disque s'appelle Nina Van Horn Sings Nina Simone. Et il y a une version de Save Me qui avait été plutôt popularisée par Aretha Franklin et la belle Jolie Driscoll. Mais là, c'est Nina Van Horn, Save Me. Save me, somebody save me, oh. Anybody Paul Persson, en 2016, s'est fait un petit plaisir. En effet, avec pas mal d'autres guitaristes, il y avait un projet de tournée en France. Et puis, ça s'est arrêté au bout de 2-3 dates, je crois. Ils étaient tous là pendant une semaine, à ne pas trop savoir quoi faire. Alors, Paul a eu l'idée de les emmener en studio. Et puis, ils ont joué des reprises, ils ont fait des standards de blues. Et ça donne un disque, ma foi, fort jouissif, qui s'appelle Lost in Paris Blues Band. Et il y a des gars comme John Jorgensen, Robin Ford, Beverly Jo Scott, chanteuse. Et ça donne quelques reprises de bon aloi, dont ce Watching the River Flow de Bob Dylan. Paul Persson, Lost in Paris Blues Band. And I'm sneaking through the window, and I'm standing with this all-night cafe, walking to and fro beneath the moon, out to where the trucks are rolling slow. Was back in the city, stand on this old bank of sand. But the sun beating down over the chimney tops, and the one alone. So close our eyes, if I wings and I could fly, well I know where I would go. Sit here. flow. Watch a river, river flow. Cotton Bellies, c'est un groupe francilien, de l'Essonne plus précisément, avec déjà à leur actif pas mal de disques. Et en 2017, ils ont publié deux albums, deux EP, Live Session Volume 1, Volume 1, et Live Session Volume 2. Sur le premier volume, il y a une reprise de Superstition, de Stevie Wonder, et sur le deuxième volume, il y a une reprise de Georgia on My Mind du grand Ray Charles. Alors on commence avec Superstition de Stevie Wonder. Ce sont les Cotton Bellies en 2017. Superstition in the way. Fear and superstitions wash your face and hands. Fear and superstition. Et on va terminer ce Blues Covers consacré au pop-rock dans le blues, tout en douceur, avec les Cotton Bellies, toujours en 2017, extrait de leur Live Session Volume 2. C'est donc Georgia On My Mind de Ray Charles. Cotton Bellies, bye bye et à la prochaine. Georgia, Georgia, the horn there through, just an old sweet song, keep Georgia on my mind. I say, Georgia, sweet, sweet Georgia, a song of you, come as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see. On the road leads back to you. I sing in Georgia, sweet Georgia, no peace I find, just an old sweet song, keep Georgia on my out to me. Other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see. On the road leads back to you. Yeah, yeah. I'll see him in Georgia, on your own mind. C'était l'émission Blues Covers. Choo, choo, choo, choo.